J'aime mes yeux, mes bras, mes mains, ma chair, mon torse et mes cheveux amples et blonds, et je voudrais, par mes poumons, boire l'espace entier pour engonfler ma force. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Un matin de Emil Verhaeren, enregistré pour LibriVox par Anne. Dès le matin, par ma grande route coutumière, qui traverse les champs et vergers, je suis parti clair et légère, la course enveloppée de vent et de lumière. Je vais, je ne sais où, je vais, je suis heureux, c'est fait et joie en moi pour toi. Qui m'importe tant, toi et l'aucun. Lequel ils sont et lui sont mes talents poudreux, les bras fluides et doux, les rivières maculées. Je me repose et je repars avec mon guide, le hasard. Bois des sentiers sur bois dont je marche les fieux. Pour la première fois, je vois des vents vermeils briller dans la mer de branchage. Mon âme humaine n'a point d'âge. Tout est jeune, tout est nouveau sous le soleil. J'ai mes yeux, mes bras, mes mains, ma chair, mon torse, et mes cheveux amples et blondes. Et je voudrais par mes poumons boire l'espace entier pour engonfler ma force. Fin de poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.